Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de ce journal en langue française. L'on commence par ses principaux titres. Le parti Codebou s'étonne de la hausse du prix du sucre et rejette les arguments de la Sosumo. Kefa Nibidi, président de ce parti, trouve que la montée des prix du sucre aura des répercussions négatives sur le coût des autres produits. Même réaction au sein du parti MRC, où ce parti et MRC déplorent la hausse généralisée des prix, y compris celui du sucre. Le professeur Juvenal Ngogwanubusa, président de cette formation politique, trouve que la dépréciation de la monnaie burundaise est la cause principale de l'augmentation des prix et ce parti suggère au gouvernement de stabiliser ses prix. Et la page agriculture de ce journal, la collecte du maïs à Gitega est une opération qui a réussi malgré la perte de 3 tonnes à cause des impuretés, comme le fait savoir Oscar Ndaikunda, le directeur de l'agriculture dans cette province. Reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura, les travaux s'attelleront sur 6 à 8 ans. Ubaka Nation Group débute les travaux préliminaires pour le nouveau marché central. Et les coûts estimés sont à 500 milliards de francs burundais. Notre consoeur Mireille Kanyangé nous fera l'historique de ce marché central. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Issa Liliane Inamahoro et mis en onde par Séraphine Hakizimane. Encore une fois, bienvenue. Le parti Codebou dit être surpris de la hausse du prix du sucre et trouve que les arguments donnés par la direction générale de la Sosumo ne sont pas convaincants. Le président du parti, de ce parti, Kefa Nibidi, indique que cela va avoir des répercussions sur les prix d'autres produits fabriqués avec du sucre, ce qui va affecter la vie de la population actuellement accablée par une vie chère. Pour lui, le gouvernement devrait revoir cette mesure afin que les prix soient abordables au vu du pouvoir d'achat de la population. Suivez Kefa Nibidi. Au niveau du parti Codebou, ça a été une grande surprise de constater la montée fulgurante du prix et du sucre où on a passé de 3300 à 8000 francs burundais par kilo. Et les arguments qui ont été avancés ne tiennent pas, notamment à la montée des prix des matières premières ou d'autres matériaux utilisés. Là, il faut signaler que le gouvernement avait abandonné une taxe de consommation de 600 francs par kilo, ce qui devrait être une compensation. Aussi, on ne devrait pas évoquer la conformité au prix du sucre importé, parce que quand vous avez des produits moins chers, vous empressez de les vendre avant les autres, au lieu d'augmenter les prix d'une façon inexplicable. Cette augmentation du prix du sucre va avoir des répercussions sur les prix d'autres produits et qui sont fabriqués avec le sucre, notamment les produits Braroudi, Rapin, ainsi que d'autres jus qui sont fabriqués avec du sucre, ce qui va enfoncer le clou dans le dos de la population qui est déjà accablée par une vie chère, une montée exponentielle des prix. Et là, je citerai notamment les fonctionnaires dont les salaires ne vont pas augmenter parce que le prix de tel ou tel autre produit a été revu à la hausse. Donc, nous inviterions le gouvernement d'examiner profondément cette question de la vente du sucre afin que les prix soient abordables au vu des capacités ou du pouvoir d'achat de la population et d'abandonner la libéralisation totale parce qu'elle commence à avoir des conséquences insupportables pour la population. Et oui, c'était Kefa Nibidi, le président du parti Codebou. Et la même réaction est du parti MRC qui trouve que le prix du sucre augmente comme celui d'autres produits de première nécessité d'une façon générale. Le président de ce parti estime que la valeur de la monnaie burundaise en est la principale cause. Selon le professeur Juvenal Ngogwanubusa, le gouvernement doit accepter de renouer la tradition de la coopération malgré toutes ses exigences. Je vous invite à suivre le professeur Juvenal Ngogwanubusa. Il y a des prix qui sont fixés pour les produits Braroudi, il y a des prix qui sont fixés pour les produits pétroliers, mais dans la vie de tous les jours, tous ces prix ne sont pas respectés. Alors, froidement parlant, si on dit que le prix du kilo de sucre, c'est 8 000, au regard du marché parallèle à Bujumbura, en réalité, ce n'est qu'en dollars, pour ainsi dire. Lorsque le dollar valait 2000 francs bout, le kilo de sucre, c'était 2000 francs bout. Donc le problème est global, le problème c'est le franc bondé qui a périclité. Et le meilleur moyen de sauvegarder le franc bondé, de l'appuyer, c'est d'avoir des devises étrangères. On nous dit que pour avoir des devises étrangères, il faut produire beaucoup et vendre à l'étranger. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais lorsque vous voyez notre territoire, vous pensez qu'on peut avoir des produits à vendre à l'étranger de manière à ce que nous ayons énormément de devises? Et je ne le pense pas. Je pense simplement qu'il faut renouer avec la tradition de la coopération internationale. Comme vous le savez, dans le temps, la moitié du budget de notre pays provenait de la coopération. Et la coopération a des exigences. Il y a des conditionnalités qui sont connues de tous. J'ai toujours dit que toutes les questions doivent avoir une solution politique. Tout se tient. Il faut que le gouvernement prenne des mesures de telle manière à ce que le Burundi ne soit plus une île. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et oui, ce journal continue sur la radio Isanganiro. Les travaux de construction de l'ancien marché central de Bujumbura prendront 6 à 8 ans selon l'annonce de la société Ubaka Nation Group qui a débuté des travaux préliminaires ce lundi et pour un mois. Les coûts de travaux est chiffré à 500 milliards de francs burundais. Construit sur 3 hectares et inauguré en 1994, les occupants se comptaient autour de 7000. La reconstruction de ce marché a été évoquée dans différents conseils des ministres. Notre consoeur Mireille Kanyangé revient sur l'historique de ce marché. Officiellement inauguré en 1994, l'ancien marché central de Bujumbura était construit pour un montant de plus d'un milliard de francs burundais et construit sur 3 hectares. Sa gestion quotidienne revenait à la société de gestion du marché central de Bujumbura Sogemak pour 30 ans. Ravagée par le feu le 27 janvier 2013, cette infrastructure comptait près de 7000 occupants. Certains ont par la suite eu des stands au marché Kotebu. D'autres ont loué des stands dans les galeries non loin de l'ancien marché central de Bujumbura. D'autres encore n'ont pas continué à exercer le commerce. La construction de l'ancien marché central de Bujumbura a ainsi été analysée lors de différents conseils des ministres. L'on citera celui de septembre 2018, selon lequel une société chinoise était sous-missionnaire gagnant et allait construire un centre commercial de 5 niveaux avec un parking de 400 à 500 véhicules, des salles de conférence et autres. La construction de cette infrastructure a été également sur l'ordre du jour du Conseil des ministres du 18 mai 2022. Au terme du dit conseil, il a été annoncé que la pose de la première pierre est prévue en avril 2023 et que l'inauguration de ce centre commercial était fixée au mois d'avril 2026. L'association des banques et établissements financiers ont été cités parmi les investisseurs dans la construction de cette infrastructure et au ministre des infrastructures annoncé fin janvier 2024 que le plan du nouveau marché central de Bujumbura était déjà disponible. 11 ans après l'incendie qui a ravagé ce marché, des travaux préliminaires pour un mois ont débuté ce lundi 16 septembre. Et les travaux proprement dits seront effectués sur une période de 6 à 8 ans, a annoncé la société Ubaka Nation Group. Merci beaucoup Mireille Kanyangé pour ce retour sur l'historique du marché central de Bujumbura. 173 projets de développement burundais d'une valeur de près de 2 milliards de dollars ont été financés par la Banque africaine de développement BAD depuis qu'elle a commencé à œuvrer au Burundi en 1968, annonce faite par le représentant pays de cette banque au Burundi, Pascal Yembline, ce mardi au cours de lancement des activités marquant les 60 ans d'existence de cette institution au Burundi. Bakuranimana Damas, secrétaire permanent au ministère des Finances, indique que le Burundi est ravi de la collaboration qui existe entre le Burundi et cette banque. Dans son discours de circonstance, le représentant pays de la Banque mondiale est revenu sur les projets qui ont été financés par cette banque depuis sa présence au pays. Selon lui, ces projets ont eu des impacts sur la vie des Burundais. Au Burundi, notre relation remonte à 1968 et depuis lors, nous avons financé 173 projets pour un montant de plus de 1,52 milliard de dollars. Ces projets ont impacté divers secteurs. Les infrastructures routières et électriques, au secteur agricole et social, en passant par les finances. Et ils contribuent à la transformation du pays. Et au secrétaire permanent d'indiquer que le gouvernement burundais est ravi de collaborer avec cette institution financière. Grâce à ces projets, ces programmes, des millions de vies ont été améliorées. Des routes construites, des écoles ouvertes, des systèmes de santé renforcés et des économies en difficulté relancées. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour présenter mes hommages au groupe de la Banque africaine de développement et à sa représentation au Burundi pour l'expertise, le dévouement et la bonne collaboration qu'ils n'ont cessé de faire très vite dans la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de développement déjà et ceux qui sont encore en cours d'exécution. Même si la Banque africaine a accordé ses fonds au Burundi pour cette année, seulement 35,31% des fonds promis ont été décaissés. Je vous le disais dans les titres de ce journal, la collecte du maïs dans les hangars de stockage dans la province de Gitega a été généralement bien faite, malgré que 3 tonnes n'ont pas été conservées suite aux impuretés constatées. Affirmation du directeur provincial chargé de l'agriculture, Oscar Ndeikunda, après les informations faisant en état d'insectes contenus dans la collecte du maïs au hangar du bureau de la zone Gitega rurale. Les agriculteurs, de leur côté, indiquent qu'ils amènent à ces stocks des grains de maïs bien séchés. Dans le cas contraire, la récolte ne peut pas être réceptionnée. De retour de Gitega, ce reportage est signé Ornella Mucho. À l'entrée du hangar de stockage des grains de maïs au bureau de la zone Gitega rurale sur la colline Lutegama dans la province Gitega, des récoltes de maïs sont déjà emballées dans des sacs hermétiques composés de 3 sacs, dont 2 en plastique. Selon les informations recueillies hors micro à ce lieu de collecte, ces sacs sont choisis pour leur rôle d'éliminer les dommages causés par les insectes responsables de la pourriture. Toutefois, à ce même lieu, des charançons ont été constaté dans une certaine quantité de maïs collecté, mais non encore stocké, chose qui a étonné les producteurs de maïs, car selon eux, la pourriture ne pourrait en aucun cas provenir de leur côté au moment où les récoltes amenées doivent être testées avant d'être stockées. Les agriculteurs ne peuvent pas vendre la collecte en mauvais état, la NAGESA ne peut pas l'acheter. Ils nous sensibilisent et nous obligent que nous devons sécher nos maïs et les trier avant de les vendre. Et à part cela, ils ont des techniques de tester ces grains, mais aussi ils t'obligent de trier et enlever les grains de mauvaise qualité. Les années passées, on nous avait obligés de vendre les graines bien sélectionnées de bonne qualité. Le directeur provincial en charge de l'agriculture, Oscar Ndeikunda, indique que des charançons constatées se sont installées suite au sac mal scellé, d'où sur 10 tonnes testées, 3 tonnes étaient pourries. Si on constate des impuretés, aussi le lieu, il y a donc des outils qu'on utilise pour enlever les impuretés. On appelle donc à celui qui amène le maïs d'enlever sur place les impuretés. Et puis, lorsque les collecteurs constatent que les impuretés ont été enlevées, donc il accueille le maïs sans problème. Et s'il y a des insectes qui sont constatés dans le maïs n'est pas recevable. Sinon, pour les impuretés, d'enlever les impuretés, puis on mesure avec les millimètres. Et on accueille le maïs. Cette année, la campagne de collecte de maïs a débuté le 19 février et sur 25 000 tonnes qui étaient attendues de toute la campagne, la NAGESA a collecté plus de 70 000 tonnes. Merci Ornella Mucho. Et page éducation, les écoliers et les élèves sont appelés à s'atteler à la préparation de leur avenir et ne pas se laisser manipuler par des politiciens à leur propre fin. Cet appel est de François Havdialimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, lors de l'ouverture solennelle de l'année scolaire 2024-2025. Ce lundi, c'est au moment où les élections sont prévues au Burundi au cours de cette année scolaire. Pour cette autorité ministérielle, seuls les conseils des autorités scolaires et surtout ceux du président de la République sont à prioriser. Certains habitants du chef-lieu de la province Chibitoke estiment que les classes pléthoriques, la coupure de l'électricité et l'insuffisance du matériel didactique sont certains défis qui doivent être résolus pour que les élèves apprennent dans de bonnes conditions. Au moment où l'année scolaire 2024-2025 vient de commencer, c'était ce lundi, ils expliquent que ces derniers figurent parmi les principaux défis qui ont handicapé l'apprentissage au cours de l'année scolaire 2023-2024. Suivez-les, leurs propos ont été recueillis par notre confrère Jackson Bahati. L'année passée, notre directeur a installé de l'électricité à l'école, mais la coupure d'électricité a été un problème à l'école Memaramezo. Nous avons un manque de livres. Par exemple, 5 élèves peuvent partager un seul. Dans ce cas, c'est difficile de mieux apprendre. Les enseignants n'encadrent pas convenablement les enfants. Ils peuvent se présenter quand ils veulent et là, ça devient une journée perdue pour les élèves. Parfois, c'est la faute de l'enfant. Il peut feindre se présenter à l'école et rentrer à la même heure que les autres alors qu'il ne s'était pas présent. Nous, les parents, nous devons alors suivre s'ils y vont ou pas. Le problème majeur a été le surnombre dans les classes sur certaines écoles, surtout dans la classe de 7e, car on nous envoie beaucoup d'élèves. Leur encadrement devient alors difficile. Autre chose, nous avons un manque d'enseignants. Un enseignant peut travailler plusieurs heures et le suivi des élèves se complique dans ce cas. Qu'on nous donne des livres. Ainsi, on peut rentrer avec afin de réviser à la maison. Je demande à l'État de régler le problème de coupure d'électricité, surtout ici à Chibitoke. C'est presque dans tout le pays, mais chez nous, c'est grave. Qu'on nous donne des enseignants. Nous avons des vacataires, mais que l'État nous aide à ce qu'ils aient du travail, car ça nous serait facile de les gérer. Concernant le surnombre dans les classes, nous demandons à l'État de prendre en main la question de l'éducation et d'augmenter les salles de classe dans les écoles. Et voilà, point final à ce journal. Mais vous pouvez le retrouver sur toutes nos plateformes, ainsi que sur la télévision Isanganiro sur 132 et 790 sur Star Times. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour sa réalisation technique. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Au micro de ce journal, vous étiez avec Raissa Liliane Inamaholo. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Au revoir.